J'ai la loi. Je contrôle maintenant toute la France. Et ce droit me vaut toute une reconnaissance. Et tout le monde tombera sous mes lois. Je n'aurai plus qu'à lever le petit doigt. Et on verra ce que ma tornade soufflera. Je suis las, las de voir toute cette incompétence. Un sourire ferait tomber de moi toute ma méfiance. Et tout le monde verra qui je suis et ne sera plus effrayé par moi. Et tout le monde verra qui je suis et ne sera plus effrayé par moi. Les gens.